passer les deux camions, je peux prendre la voie de gauche. Si je roule à 90 km/h, oui, réponse A. Non, réponse B. Si je roule à 130 km/h, oui, réponse C. Non, réponse D.